c'est juste un passage éphémère, un court trajet que la tristesse inonde jusqu'à devenir océan ou mer. La nuance est faible car dès l'instant où elle nous submerge, on ne sait plus nager. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ce soir j'ai quelques grammes de haine en trop sur la balance. Et merde, j'ai comme une envie d'être seul avec mon whisky amer. Pourtant je m'étais promis de changer, pourtant je me soignais. Je me vois déjà rejeter la faute sur l'humanité et ces quelques péchés en surplus tels que la vanité, ces carences en vertu, cette animosité qui s'accentue. Voilà une cause de ma morosité. C'est dur de trouver les mots justes sans les insulter, dur de contenir ma rage, dur de ne pas l'exulter. J'ai caressé des lueurs de bien-être, mais voici qu'elles se diluent dans la sombre nuit et que des larmes vont naître. Suis-je un homme, suis-je honnête? Si le bonheur était en moi, saurais-je le reconnaître? En proie au vertige et à des sensations inexplicables, une douleur incessante et un comportement inextricable. Volatiles sont les users, versatiles sont mes avis. J'ai peur de ne plus contenir mes envies, qu'un sursaut agressif me fasse tomber de l'échelle bien plus vite que je ne l'ai gravi. Parfois un excès de gentillesse me redonne confiance, mais j'ai facilement accès au mal et à la vengeance. Je n'ai pas encore choisi mon camp, j'ai encore tout mon temps avant d'osciller vers les flammes ou les nuages blancs. Les flammes ou les nuages blancs. Le poids d'autant de tristesse me fait mal au dos. Je me détends en recrachant la fumée de ma Marlboro. Cette brume épaisse, métaphore de ce qu'il y a dans mon cœur. Une envie de brûler le mauvais genre pour qu'il n'y ait plus de vainqueur. Mais les guerres abondent et les raisons n'ont pas lieu d'être, sauf si c'est dans la nature de l'homme peut-être. J'ai pas grand chose à t'apprendre, j'ai pas grand chose à te donner à part une corde pour te pendre. J'ai pas encore franchi le cap car j'hésite. Est-ce que ça vaut encore la peine de vivre avec ces parasites? Est-ce que j'ai encore le courage de vouloir changer? Est-ce que mes idées sont réelles ou suis-je dérangé? Faut-il être cruel et dire les vérités? Faut-il enlever la vie à ceux qui n'ont pas mérité? Faut-il épurer le système et croire en l'avenir? Peut-on effacer l'histoire et ne plus s'en souvenir? Il y a tellement de choses à faire, ne pas rester figé, tellement de stupidités à corriger. J'ai toujours pas les solutions, mais ça va venir. Pour l'instant, je marque déjà un point si ça te fait réfléchir. Parce que j'ai des pensées immondes, parce que ni l'amour ni l'espoir ne changeront la face du monde. Parce que ni l'amour ni l'espoir ne changeront la face du monde. Volatiles sont les users, versatiles sont mes avis. J'ai peur de ne plus contenir mes envies, qu'un sursaut agressif me fasse tomber de l'échelle bien plus vite que je ne l'ai gravi. Parfois un excès de gentillesse me redonne confiance, mais j'ai facilement accès au mal et à la vengeance. Je n'ai pas encore choisi mon camp, j'ai encore tout mon temps avant d'osciller vers les flammes ou les nuages blancs. Volatiles sont les users, versatiles sont mes avis. J'ai peur de ne plus contenir mes envies, qu'un sursaut agressif me fasse tomber de l'échelle bien plus vite que je ne l'ai gravi. Parfois un excès de gentillesse me redonne confiance, mais j'ai facilement accès au mal et à la vengeance. Je n'ai pas encore choisi mon camp, j'ai encore tout mon temps avant d'osciller vers les flammes ou les nuages blancs. Les flammes ou les nuages blancs. Les flammes. Les flammes ou les nuages blancs. Les flammes ou les nuages blancs.